Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, les attentats xénophobes qui ont profondément marqué la jeune Allemagne réunifiée. 2 ans après la chute du mur de Berlin, des actes d'une violence extrême se multiplient. Attaques de foyers de demandeurs d'asile, meurtres d'étrangers et de SDF, monuments juifs saccagés. Les auteurs sont à chaque fois des jeunes hommes appartenant de près ou de loin à la mouvance néo-nazie. Avec près de 80 groupuscules et 3 partis politiques principaux, elle est implantée dans toute l'Allemagne, à l'ouest comme à l'est. Alors que la réunification présageait des jours heureux, de nombreux Allemands se retrouvent confrontés à la crise, au chômage et aux désillusions. C'est dans ce contexte qu'un climat de xénophobie se développe et que les étrangers deviennent les boucs émissaires désignés. Ce qui, au regard de ce que nous a enseigné l'histoire, contient en Allemagne une charge symbolique particulière, bien sûr. Circonstance aggravante, les pouvoirs publics ne font pas preuve à l'époque de fermeté, jouent même un rôle ambigu. Menacés par la montée de l'extrême droite dans les urnes, les partis traditionnels signent un compromis pour restreindre le droit d'asile et contrôler plus fermement l'immigration. À travers ce récit, nous allons donc explorer les difficiles années qui ont suivi la réunification. Entre crise économique, bouleversement des valeurs morales et immigration massive, l'Allemagne a dû faire face au défi du vivre ensemble, Allemands de l'Ouest, Allemands de l'Est et étrangers. Notre invité aujourd'hui, Jean-Marc Four, journaliste à France Inter, directeur de l'actualité internationale, il a couvert ces événements allemands du début des années 90. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barrère, réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Deutschland, die Deutschen, Ausländer raus, scandait hier après-midi les manifestants. Comprenez, l'Allemagne aux Allemands, les étrangers dehors. Les néo-nazis, hier, ont réussi leur pari. Ils n'étaient sans doute pas aussi nombreux que prévu, entre 1500 et 2000 seulement, mais leur défilé dans les rues de Dresde fut impressionnant. Impressionnant de détermination et de violence contenue. Des centaines de jeunes, 15 à 25 ans en moyenne, tous le même look, crâne rasé, rangers aux pieds, lunettes noires et drapeau de la marine allemande entre les mains. Au micro de France Inter, Jean-Marc Four décrit ce rassemblement néo-nazi, le plus important depuis la chute du mur de Berlin. Ce 15 juin 1991, à Dresde, en ex-RDA, des centaines de militants nostalgiques de la pire période de l'histoire de leur pays défilent dans la rue pour honorer l'un des leurs, Rainer Sonntag. Tué de plusieurs balles dans la tête en pleine rue 15 jours plus tôt, Sonntag était l'un des leaders de la nébuleuse brune. L'homme trempé également dans des affaires louches, telles que le proxénétisme et le racket. À l'origine de sa mort, une dispute avec des patrons de maison de passe. On est loin de l'image de l'homme droit dans ses bottes qui entend purifier les mœurs de la société allemande. Mais peu importe, les néo-nazis tiennent leur martyr. Et ces funérailles sont l'occasion de rassembler leurs grandes familles éclatées en dizaines de groupuscules divisées par des rivalités personnelles. Pendant les 3 heures de défilé, les manifestants se prêtent à une démonstration de force. Pour éviter tout débordement, la police a mis en place un important dispositif. On a même fait venir 100 500 policiers de l'Ouest pour encadrer les 2000 manifestants. La marche débute dans le silence et le recueillement. Les cohortes néo-hitlériennes cheminent dans les rues de Dresde et des tambours battent la cadence. L'allure est martiale. Les passants voient défiler une petite armée de jeunes skinheads dans le calme. Mais très vite, les slogans xénophobes fusent. Car les néo-nazis entendent bien débarrasser l'Allemagne des étrangers, des relents de peste brune en peste la ville. Le matin, matin, les plus fervents néo-nazis se sont rassemblés dans le cimetière pour écouter les oraisons funèbres à la mémoire de Rainer Sonntag. À la fin de l'un des discours, c'est l'acclamation. Une pluie d'applaudissements, mais aussi des bras tendus et tout y est. Salut nazi et Sieg Heil. Ce jour-là, l'heure est au rassemblement. On met de côté de nombreuses divergences entre groupuscules autour d'un dénominateur commun, la glorification d'Adolf Hitler et du régime nazi. Mais chez les néo-nazis allemands, aucun chef n'a réussi à s'imposer. Le mouvement n'est pas incarné. Mais paradoxalement, l'explosion de la mouvance en une multitude de courants est une force, car elle laisse penser un grand mouvement. Cet éclatement complique également le travail des services de police qui ont du mal à se retrouver dans les méandres de cette nébuleuse brune. Enfin, grâce aux positions extrêmes de certaines formations, les trois partis politiques néo-nazis peuvent apparaître comme « modérés », entre gros guillemets. Pour mieux comprendre comment les néo-nazis sont organisés, il nous faut remonter à une année décisive pour l'Allemagne, 1989, évidemment. Je ne suis pas fasciste, je suis national-socialiste. Je pense que le Troisième Reich avait des solutions plus efficaces qu'aujourd'hui pour résoudre les problèmes. Il y a des moyens sur le plan administratif qui peuvent être utilisés. Par exemple, j'interdirais les partis d'opposition et leur propagande. Je diminuerais tous leurs moyens de pression, tout ce qu'on fait contre nous aujourd'hui. Ces mots sont ceux de Michael Kühnen, leader d'un parti néo-nazi. Nous sommes en mars 89. Il s'exprime devant les caméras d'Antenne 2 pour réagir à l'interdiction pour son parti de se présenter à des élections. Il se félicite de cette décision de justice qui traduit selon lui la peur du pouvoir face à la montée de l'extrême droite. Au domicile de Michael Kühnen, on retrouve toute la panoplie du fervent néo-nazi. Casque SS, drapeau, croix gammée, portrait du Führer. D'ailleurs, le jeune homme s'apprête à fêter le 100e anniversaire de la naissance d'Adolf Hitler dans quelques jours. D'autres partis néo-nazis ont choisi une autre stratégie, celle de la légalité des urnes, en faisant bien attention à ne faire aucune référence directe à tout ce qui touche de trop près au Troisième Reich. C'est la tactique adoptée par die Republikaner, autrement dit les Républicains. Et contre toute attente, le parti nationaliste réalise un coup d'éclat lors des élections régionales de Berlin-Ouest en janvier 89. Avec un score de 7,5%, les Républicaners obtiennent une dizaine de sièges au Parlement régional berlinois. L'un d'eux, Richard Miosga, définit la priorité politique du parti. Quand on voit les chiffres de l'année 88, on s'aperçoit que chaque mois, 10 000 étrangers du monde entier arrivent chez nous, essentiellement pour des raisons économiques. Il est donc compréhensif de vouloir arrêter tous les abus sur le droit d'asile. La xénophobie, c'est le fonds de commerce des Républicaners. Le juif n'est plus le bouc émissaire, c'est désormais le demandeur d'asile. Scandalisé par l'entrée au Parlement de députés d'extrême droite, des milliers de Berlinois descendent dans la rue pour crier « Nazi raus », autrement dit « Nazi dehors ». Mais ceci, on le vend en poupe. Après Berlin-Ouest, c'est aux élections municipales de Francfort que l'extrême droite se renforce. En mars 89, le National-Demokratische Partei Deutschland, pour NPD, remporte 6,6% des voix et gagne 7 postes de conseiller. Plusieurs députés de gauche s'inquiètent de cette percée électorale des néo-nazis et n'hésitent pas à prononcer la phrase utilisée par les opposants à Hitler « Demain, il sera trop tard ». En avril 89, un sondage inquiétant est publié dans le magazine Der Spiegel. 38% des Allemands interrogés estiment qu'il y a eu plus de positifs que de négatifs pendant la période nazie. En Allemagne de l'Ouest, les nostalgiques de cette période trouvent donc de nombreuses oreilles attentives à leur discours xénophobe. et l'ascension de l'extrême droite allemande se poursuit à chaque nouveau scrutin. En juin 89, aux élections européennes, les Républicaners confirment leur score de Berlin avec 7,1% des voix. Le Parti nationaliste envoie 6 députés au Parlement européen. Parmi eux, on retrouve le chef des Républicaners, Franz Schönhuber, 64 ans. Cet ancien sous-officier de la Waffen-SS, devenu journaliste après la guerre, joue à fond la carte populiste. Dans sa campagne, il dénonce pêle-mêle l'immigration, la drogue et le sida. Il estime d'ailleurs que la xénophobie est une nécessité et il précise « Chaque Turc qui est là depuis plus de 25 ans n'a pas de souci à se faire, mais nous nous battrons contre le droit de vote aux étrangers parce que le vote ici est seulement pour les Allemands ». Au Parlement européen, Schönhuber et son parti rejoignent le groupe technique des droites européennes dirigé par un certain Jean-Marie Le Pen. À noter que si les Républicains ont obtenu 6 députés, le Front National lui en compte 10. En RFA, donc côté ouest, les scrutins se suivent et se ressemblent. Octobre 89, les Républicains font leur entrée dans les parlements municipaux de grandes villes telles que Cologne, Düsseldorf et Dortmund. Une nouvelle fois, des manifestants de gauche descendent dans la rue pour dire stop aux nazis. Mais c'est un événement à l'Est, un mois plus tard, qui va bouleverser les deux Allemagnes et le monde entier. À 5h moins le quart ce matin, premier coup de pioche sur le mur de Berlin. Des dizaines d'Allemands, Est et Ouest, sont montés sur le monument historique. La zone interdite est aux mains de la jeunesse allemande. Chacun leur tour, ils prennent la pioche, cassent un morceau du mur qu'ils gardent dans leur poche en souvenir. Le cadenas est cassé et les portes s'ouvrent. Vers 23h la nuit dernière, des milliers d'Allemands de l'Est ont forcé les frontières qui séparaient l'Est et l'Ouest. Les gardes frontières n'interviennent pas. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin. Le processus de réunification est amorcé, dans les esprits en tout cas. Pour tous les Allemands, et surtout ceux de l'Est, c'est avec joie qu'on accueille cette nouvelle et l'on imagine des lendemains heureux, libres, prospères. Deux ans plus tard, fin 91, le constat est amer. L'Allemagne réunifiée manque de logements. Des centaines de demandeurs affluent dans le pays. À cela s'ajoute le coût de la réunification, la montée du chômage, le terreau idéal pour les partis et groupuscules néo-nazis. Alors que 89 avait été l'année de l'émergence de l'extrême droite dans les urnes, 91 marquera le début d'une vague de violence dans la rue. L'historien Joseph Rovan, spécialiste de l'Allemagne, dresse le portrait du pays au micro de France Inter. D'abord, il manque 2 millions de logements. Cette année, il y a eu 200 000 demandeurs d'asile. À quoi s'ajoutent 200 000 Allemands ethniques de Russie, de Pologne, etc. Plus tous ceux qui passent de l'ancienne Allemagne de l'Est à l'Allemagne de l'Ouest d'autrefois, passage maintenant libre. Donc on peut penser qu'en Allemagne de l'Ouest, il y a à peu près 500 000 personnes de plus cette année. Dans un pays qui est beaucoup plus petit, même réuni en deux que la France. Tout cela, évidemment, s'est accumulé peu à peu. 2 millions de Turcs, qui sont à peu près les Nord-Africains de la France. Bon, racisme, certes, mais phénomène de société avant tout, car c'est pour l'instant un tout petit groupe de gens. À l'Est, la police est désemparée face aux violents xénophobes qui se multiplient. Déjà sous la menace de commissions d'épuration qui sévissent dans toutes les administrations est-allemandes, les policiers ne mettent pas beaucoup de zèle à protéger les demandeurs d'asile. Résultat, il ne se passe pas un seul jour sans une attaque contre des étrangers. Cocktail Molotov lancé sur des foyers de demandeurs d'asile, immigrés attaqués à coups de pierre ou de couteau, insultes, menaces, le climat est délétère. Ces actes sont l'œuvre de groupuscules nazis, mais pas seulement. Désorientés par le chômage et les nouvelles valeurs morales venues de l'Ouest, de nombreux jeunes d'ex-RDA se mettent à attaquer les immigrés. Dieter Wulsest, le directeur d'un foyer d'immigrés de Berlin-Est, explique le phénomène devant les caméras d'Antenne 2. Actuellement, les jeunes surtout, qui ne sont pas contents de la nouvelle société dans laquelle ils sont, qui n'ont parfois pas de professeurs, qui doivent vivre dans un nouveau système d'études ou ont perdu leur travail, se vengent sur les étrangers de cette façon. Ces jeunes Allemands de l'Est, qui ont grandi dans le communisme, sont complètement désorientés. Leur avenir paraît bouché avec la peur de ne jamais retrouver travail ni de logement, en tout cas à prix abordable. Les discours racistes des partis et groupuscules néo-nazis les excitent et servent souvent de justification à des actes commis à l'improviste, parfois à la suite de beuveries. Face à ce déferlement de violence continue, des dizaines de milliers d'Allemands descendent dans la rue pour manifester contre le racisme. Certains protègent même les foyers de demandeurs d'asile. Mais quelques mois plus tard, en août 92, la situation dérape sérieusement dans la cité HLM de Lichtenhagen, dans la banlieue de Rostock, au nord du pays. Ce port de la Baltique faisait la fierté de l'ex-RDA avec ses chantiers navals. C'était le fleuron industriel du pays. Désormais, c'est la région la plus pauvre de l'Allemagne réunifiée. Le taux de chômage atteint les 20%. Samedi 22 août, de jeunes adultes et des adolescents se lancent à l'assaut du principal centre d'accueil de réfugiés de la région. Ils jettent des pierres sur le bâtiment et les habitants du quartier applaudissent. L'un d'eux prend la parole devant les caméras de télévision. Les lois doivent changer. Accueillir les étrangers qui viennent pour des raisons politiques ou religieuses passe encore, mais pas pour des raisons économiques. La police intervient en urgence, les sirènes retentissent. Les jeunes émeutiers, soutenus par toute la population, s'en prennent alors aux forces de l'ordre qui mettent longtemps à maîtriser la situation. Le lendemain, des néo-nazis venus d'autres régions se rendent sur place pour prêter main forte. Le soir même, de nouveaux affrontements éclatent. 500 jeunes déchaînés font face à 800 policiers. Alors, comme au spectacle, des milliers de badauds assistent aux jets de cocktails Molotov et aux 150 interpellations. Côté police, on dénombre 35 blessés. À Rostock, les autorités publiques sont dépassées. Le lundi 24 août 1992, les policiers s'apprêtent à vivre une troisième nuit d'émeute. Et cette soirée va complètement dégénérer. We'll be right back. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Rostock, lundi 24 août 1992. Face à la situation critique, les autorités décident d'évacuer le foyer de demandeurs d'asile. Pourtant, une nouvelle fois, le soir venu, la horde skinhead de néo-nazis et de jeunes assoiffés de violence revient sur place. Et tous scandent des slogans tels que « l'Allemagne aux Allemands et les étrangers dehors ». Vers 22h, la police recule. En a-t-elle reçu l'ordre ou est-elle débordée ? Difficile à dire. Toujours est-il que la voie est libre pour la meute composée de centaines de jeunes qui se mettent à incendier le foyer. Or, à l'intérieur, il reste encore une cinquantaine de travailleurs vietnamiens qui n'avaient pas été évacués. Ils sont secourus en urgence par les pompiers et par miracle, il n'y a aucun mort. L'un de ces travailleurs témoigne dans l'émission Envoyé spécial. Au début, les policiers étaient nombreux, 200 ou 300, et ils nous ont bien protégés. Mais on ne comprend pas pourquoi, au troisième jour, alors que tout le monde avait vu que les violences se poursuivaient, la police s'est retirée. S'ils l'avaient vraiment voulu, ils auraient pu nous protéger, comme les deux premiers jours. Le lendemain, toute l'Allemagne a honte de ce triste spectacle vu dans le monde entier. Mais pour seule réponse, le gouvernement fédéral promet une plus grande sévérité dans l'examen des dossiers des demandeurs d'asile pour éviter notamment l'immigration économique. Une annonce qui va dans le sens des néo-nazis qui se rassemblent pour une quatrième nuit de violence. Ce soir-là, il n'y a plus de demandeurs d'asile et le foyer a été incendié. Et bien qu'à cela ne tienne, les jeunes sont venus pour casser du flic. L'affrontement dure 3 heures, les coups pleuvent et les voitures s'enflamment. Quelques casseurs mettent le feu à la vieille Trabant, symbole de l'ex-RDA. Ces jeunes qui ne croient plus en l'avenir brûlent leur passé. Désenchantés, paumés, au chômage, ces Allemands ont choisi leur bouc émissaire, l'immigré. Dans leur discours, l'étranger est un privilégié, il est nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable. Une xénophobie qui se nourrit et trouve refuge dans les différents partis des groupuscules d'extrême droite. Une semaine après le début de ces émeutes, la ville est en état de siège. 3000 policiers sont mobilisés. Un grand rassemblement antifasciste est organisé devant le centre d'accueil de réfugiés de Lichtenhagen. Les pouvoirs publics craignent l'affrontement entre militants d'extrême gauche et d'extrême droite. Mais la manifestation se déroule dans le calme, avec près de 10 000 manifestants antifascistes. Certains répondent aux questions du journaliste d'Antenne 2. Il y a une autre Allemagne que celle de la xénophobie. Ce sont les politiciens qui ont commis des erreurs. C'est de leur faute s'il y a eu de la violence. Moi, je suis venu ici pour dire non au nouveau nationalisme et au nouveau fascisme. Tuer les néo-nazis, c'est pas comme ça qu'on réglera les problèmes. Il faut comprendre pourquoi les gens d'ici sont pleins de haine. Le gouvernement fédéral est très subtil. Il prend comme prétexte des violences racistes pour réduire le droit d'asile en Allemagne. Pour nous, cette politique-là est celle du pire. La gestion erratique de cette vague de violence à Rostock a été un détonateur pour toute attaque future des demandeurs d'asile. En ne protégeant pas les travailleurs vietnamiens, la police et les pouvoirs publics ont donné volontairement ou non un blanc-seing à la brutalité néo-nazie. Dans les mois qui suivent, à l'est comme à l'ouest, d'autres foyers sont attaqués, des monuments juifs sont saccagés, des étrangers sont frappés en pleine rue. Certains Allemands sont aussi visés, les SDF, les handicapés, les militants antiracistes et, de manière générale, tous ceux qui s'opposent aux jeunes néo-nazis. Parmi les jeunes présents à Rostock, on retrouve un certain Michael Peters, 25 ans. Il est retourné dans la périphérie de Meun, proche de Hambourg. Avec ses vieilles rues pavées, ses maisons de briques rouges et son petit musée provincial, la ville de Meun est un havre de paix. Parmi les 17 000 habitants, on retrouve une communauté de 500 Turcs venus dans les années 70 pour travailler dans l'industrie du textile. Michael Peters, lui, ne travaille pas. Fils d'un père alcoolique et brutal, il sait à peine lire, à peine écrire. Il a fait de son appartement un lieu de rendez-vous néo-nazi. À l'intérieur, on retrouve un drapeau de guerre du Reich. À côté, on peut lire, affiché sur le mur de cette devise à haute portée philosophique, « De la bière, au ciel, il n'y en a pas, il faut donc en boire ici-bas ». Michael applique la consigne à la lettre, partageant son temps entre alcool et nazisme, mélangeant bien souvent les deux. Et quand il est ivre, pour fêter l'anniversaire du Führer, par exemple, il enchaîne en continu les Sieg Heil et les chants nazis. Tout cela ne pourrait être que pathétique. Mais le 22 novembre 92, les événements prennent une tournure tragique. Après avoir bu plusieurs bières dans un bar, Michael Peters quitte l'établissement en compagnie de Lars Christiansen, un autre néo-nazi. Le lendemain, les téléspectateurs découvrent l'horreur au journal télévisé. Incendie criminel, dans les décombres trois cadavres, deux femmes et une fillette. Une petite fille de 10 ans, née en Allemagne, allant à l'école en Allemagne et parlant peut-être mieux l'allemand que la langue de ses parents. Trois victimes, leur seul crime, être turc. Revendication anonymée par téléphone, se terminant par ces deux mots, Heil Hitler. Cette nuit-là, Michael Peters et Lars Christiansen ont incendié deux maisons habitées par des Turcs. Yeliz Arslan, 10 ans, Aize Yilmaz, 14 ans, et Baide Arslan, 50 ans. Deux petites filles et leur grand-mère meurent dans l'incendie. Ce drame bouleverse toute l'Allemagne. Quelques jours plus tard, à Munich, 400 000 personnes se rassemblent dans la rue pour former une chaîne de lumière. Toutes tiennent une bougie, un lampion ou une lampe torche en mémoire des victimes. Vu du ciel, cette chaîne humaine de 45 km à travers la ville est impressionnante. À la hauteur, en vérité, de l'indignation d'une grande partie de la société allemande. Des associations, des églises, des syndicats, des chaînes de supermarchés, tout le monde se mobilise pour stopper cette vague de violence. À Berlin, un match a été organisé entre une équipe allemande et une équipe de footballeurs turcs. Riva Castoriano, une universitaire spécialisée dans les questions d'immigration, assiste à ce match et répond aux questions d'Antenne 2. J'ai pu discuter avec des supporters et des organisateurs du match qui s'inquiètent sur la montée du racisme en général en Allemagne, parce que c'est pas qu'il n'y avait pas du racisme avant, mais ça, ils ont l'impression que le mouvement a changé de degré et de nature. Et les néo-nazis sont beaucoup plus violents. Les attentats sont beaucoup plus fréquents et les coups plus durs. Et cela les touche d'autant plus qu'ils se sentent parfaitement intégrés dans cette société. Quand on joue à Berlin, c'est toujours fair play. Mais dans l'ex-Allemagne de l'Est, on nous insulte, on nous jette des pierres sur le terrain. On a porté ce bandeau noir par solidarité. Je n'ai pas honte d'être allemand, mais je ne suis pas très fier en ce moment. Les insultes, oui, c'est le lot quotidien pour de nombreux Turcs en Allemagne. Dans ce pays, ils sont près de 2 millions. Ils représentent la plus grande communauté parmi les 6 millions et demi d'étrangers que compte l'Allemagne. Et c'est un vrai moteur pour l'économie. Grâce aux 35 000 entreprises qu'ils possèdent, 125 000 emplois ont été créés. Mais pour de nombreux Allemands, tous les problèmes économiques et sociaux que traverse le pays ont une seule origine, l'immigré. Dans ce reportage d'Envoyé spécial, trois Allemands de l'Est expriment ce sentiment. Aujourd'hui, j'ai dû aller mendier pour me rendre à Potsdam pour toucher mes indemnités chômage. J'aurais dû les avoir il y a 4 semaines. Et encore, Potsdam leur donne rien du tout. L'agence pour l'emploi n'a rien donné. Et le bureau d'aide sociale n'a plus d'argent à distribuer. Et les étrangers ? Eux, ils y reçoivent tout. On les engraisse. Avant la chute du mur, on était capable de se nourrir nous-mêmes. On produisait assez. Mais maintenant, tous les étrangers viennent ici et c'est devenu difficile pour nous. Mais en RDA aussi, il y avait des étrangers. Oui, mais à l'époque, on avait un emploi, on gagnait de l'argent. À l'époque, vous voyez, on s'en tirait mieux qu'avec ce qu'on touche aujourd'hui. Vous savez, tout augmente. En janvier, les loyers doubleront à l'Est. Mais nous, c'est pas pour ça qu'on gagne plus d'argent. Face à cette xénophobie et cette colère sociale, le gouvernement du chancelier Helmut Kohl marche sur des œufs. D'un côté, un afflux de migrants de plus en plus fort, avec plus de 450 000 demandeurs d'asile en 92. De l'autre, un bilan horrible. Plus de 2500 actes xénophobes qui ont coûté la vie à 16 personnes ont été perpétrés en 92. Conclusion tirée par les politiques allemands, plus il y a d'étrangers, plus le racisme progresse. La coalition de droite au pouvoir qui rassemble la CDU, Union Chrétienne Démocrate, la CSU, Union Chrétienne Sociale en Bavière, ainsi que le FDP, Parti Libéral Démocrate, envisage alors de restreindre le droit d'asile pour limiter drastiquement l'immigration. Inscrit dans la Constitution de 1949, ce droit ne peut être modifié que par une majorité des deux tiers au Bundestag. Et grâce à un compromis signé le 6 décembre 1992 avec les sociodémocrates du SPD, la loi d'asile peut être modifiée. Pour la droite au pouvoir, il s'agit de rassurer son électorat. Pour la gauche, c'est le moyen de se donner une image de dirigeant réaliste et responsable. C'est aussi, et surtout, pour éviter que les électeurs fuient les partis traditionnels et aillent vers l'extrême droite. Le 23 mai 1993, la modification de la loi régissant le droit d'asile est votée au Bundestag. Une semaine plus tard, un nouvel attentat vise la communauté turque. Et le drame fait la une du journal de France Inter. Bonjour. L'Allemagne et ses crises de xénophobie, la communauté turque au bord de l'explosion après l'incendie criminel qui a fait 5 morts, 2 femmes et 3 fillettes à Solingen. 6 mois après le terrible incendie de Mölln, c'est une nouvelle fois la communauté turque qui est visée. Cette fois, 5 morts, dont 2 fillettes de 5 et 9 ans. Les auteurs du crime sont 4 jeunes néo-nazis âgés de 16 à 23 ans. Toute l'Allemagne est une nouvelle fois sous le choc, et la communauté turque est partagée entre chagrin et colère. 5000 d'entre eux manifestent devant l'immeuble incendié. Pendant la nuit, la ville de Solingen est saccagée par 300 manifestants turcs réclamant justice. À Berlin, leurs compatriotes réagissent à ce drame. Ils s'attaquent à des femmes, à des enfants, à des gens sans défense. Ce ne sont que des lâches. Il nous faut des lois beaucoup plus sévères. Lorsqu'il y a eu l'incendie de Mölln, on nous a dit que cela ne se reproduira plus. Eh bien, c'est reparti. Une fois qu'ils en auront fini avec nous, ce sera le tour des Yougoslaves, des Grecs ou bien des Polonais. Une fois qu'ils en auront fini avec nous, le mot est fort, à la mesure de l'inquiétude de la communauté turque qui vient de subir 2 attentats en moins de 6 mois. Cette escalade dans l'horreur renvoie évidemment pour de nombreux observateurs aux heures les plus sombres de l'histoire allemande. Et que dire des criminels qui sont des nostalgiques revendiqués du Troisième Reich? Mais pour Simon Wiesenthal, juif rescapé des camps, devenu chasseur de nazis, attention, la comparaison avec l'Allemagne des années 30 n'est pas pertinente. Il n'y a pas lieu de paniquer. Pourquoi? Tout simplement parce que ce que nous vivons aujourd'hui n'a rien de comparable avec la période des années 20 ou 30. La situation est totalement différente, même si quelques jeunes essayent de recréer cette terrible ambiance. Même si ce qu'il s'est passé dernièrement à Rostock, Volson ou ailleurs, et plus particulièrement dans l'ex-Allemagne de l'Est, peut se reproduire à nouveau. Et si ça se reproduit, c'est que les autorités allemandes éprouvent les plus vives difficultés à contrôler ces petits groupuscules. Et ça, ça vous inquiète ? Non. Si vous regardez à la loupe la situation de nombreux autres pays, vous verrez exactement les mêmes indices de xénophobie qu'en Allemagne. La seule différence, c'est que ces pays-là n'ont pas édifié Auschwitz. C'est tout à fait exact. La vague xénophobe qui a touché l'Allemagne n'a pas épargné les autres pays d'Europe, et notamment la France. Mais le souvenir de la Shoah plane en Allemagne, évidemment, à chaque nouveau crime raciste commis par des néo-nazis. Comment pourrait-il en être autrement? Ce pays a une conscience. La chute du mur de Berlin, synonyme d'espoir et de liberté, aura profondément bouleversé l'Allemagne, et de nombreux Allemands ont vite déchanté. L'euphorie a laissé place aux crises. Crise économique, crise de confiance dans la classe politique et crise des valeurs morales. Face au défi de la réunification, des groupuscules et des partis néo-nazis ont nourri les peurs et les angoisses de la population allemande. De nombreux jeunes, déboussolés par la montée du chômage et la pénurie de logements, se sont laissés entraîner dans une dérive criminelle. Et toute la société s'est retrouvée traversée par une poussée de fièvre néo-nazie, l'un des plus grands défis de la réunification allemande. Aujourd'hui, la montée des néo-nazis en Allemagne au début des années 90. Notre invité Jean-Marc Four, bonjour. Bonjour Fabrice Drouel. Bienvenue chez vous. Journaliste à France Inter, vous êtes ancien envoyé spécial permanent à Londres pour Radio France. Vous avez dirigé la rédaction de France Inter et vous avez pris la direction de l'information internationale de Radio France. Nous vous retrouvons tous les soirs également à 18h55 sur France Inter dans l'émission Un jour dans le monde pour votre chronique. Bien, alors dans la toute première archive de ce récit, c'est vous qui parlez. C'était il y a 28 ans maintenant, en juin 91 à Dresde. Parlez-nous de ce défilé tel que vous l'avez vécu. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce qui n'était pas des images pour le coup, mais une réalité? Vous étiez juste à côté de cette réalité. C'est un moment de sidération en fait. Mmh. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans le centre. J'étais un jeune journaliste. Je me retrouve dans le centre de Dresde. Et il fallait traverser l'Elbe. Bon, je traverse l'Elbe, le fleuve qui passe à Dresde. On se retrouve de l'autre côté du centre. Là, je me souviens très bien qu'il y a un pont de chemin de fer. Et effectivement, vous tombez, j'allais dire nez à nez. Avec quelque chose que vous croyez avoir disparu en fait, vous dites ça n'existe pas. Eh bien si ça existe, c'est sous vos yeux, ils sont donc effectivement 1000, 1500, et c'est une sorte de comment dire, de caricature. Enfin, vous croyez dans un film un peu, c'est-à-dire vous disiez, mais vous dites c'est, ce n'est pas possible. C'est effectivement des jeunes néo-nazis, mais alors il y a les crânes rasés, il y a les Rangers, il y a la petite mèche blonde, pardonnez-moi le cliché, mais de la rien, quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez d'autres jeunes gens qui ont la petite moustache qui va bien à l'Adolf Hitler, si je puis formuler les choses ainsi. Enfin, vous vous dites c'est pas possible, quoi. Mais si, c'est sous vos yeux. Et ils sont là, effectivement, à crier Ausländerhaus, les étrangers dehors, etc. Au son des tambours, effectivement, c'est très marquant encore dans mon oreille. Et c'est ça d'abord que l'on retient. Enfin, moi, c'est un effet de sidération, en fait. Je me dis, ça n'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Et en langue allemande, ce qui nous renvoie évidemment à évidemment, aux images. Vous croyez retourner un demi-siècle avant, quoi. Comment réagit la police de l'ex-RDA qui n'avait pas l'habitude de ce genre de manifestation et pour cause on ne manifestait pas, sauf pour les anniversaires de la RDA, voilà. Alors, c'est l'autre surprise en fait, c'est-à-dire que passer la sidération de voir qu'il existe ces centaines, voire ces milliers de jeunes néo-nazis, l'autre effet de surprise c'est de se dire mais comment se fait-il que ce soit autorisé? Oui. Voilà, la marche est autorisée. Alors il y a effectivement un déploiement de police assez important, dont des policiers qui avaient été, ça a été rappelé, qui avaient été envoyés de l'Ouest. Donc les forces de police sont nombreuses. Elles évitent qu'il y ait des débordements. Mais on va dire qu'elles sont là en spectatrices. Elles encadrent pour éviter les débordements, mais tout est autorisé. Et ça aussi, c'est un effet de surprise. Vous dites, mais c'est pas possible. C'est autorisé en fait. Ils ont droit. Alors, ils n'ont pas d'imagerie nazie du Troisième Reich. Hein. Pas autorisé, donc pas la croix gammée, etc. Ils ont les emblèmes de la marine allemande de la Première Guerre mondiale. Vous savez avec l'aigle en noir, là, je sais pas si vous voyez cette image. Oui. C'est avec ça qu'ils défilent, parce que je pense que si ma mémoire ne me trahit pas, je pense que ça c'était autorisé en fait. Mais effectivement, il y a quelque chose de très surprenant dans l'autorisation, une sorte de laisser-faire. Finalement, ça existe. Oui, ils ont droit. C'est une démocratie. L'Allemagne, voilà, part de ce principe-là. Alors, oui, sans doute. D'ailleurs, c'est pas. J'aimais pas un jugement. Hein. Non, c'est plus effectivement, en tout cas pour un jeune journaliste français qui débarque là, effet de surprise. Bien oui, sûr. C'est ça, c'est un effet de surprise. Après, je crois qu'il y a aussi pour eux un effet de surprise quand même. C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça a été rappelé hein, dans tout l'historique. Ils n'avaient pas anticipé le fait que ça allait grossir et dégénérer à ce point-là. Je pense qu'il y a aussi un effet de surprise. Prise pour les autorités allemandes, quand même. Et pour les Allemands, je disais, évidemment, ce peuple a une conscience. Donc, les Allemands qui passent par là, qui sont pas impliqués, hein. Vous vous souvenez de leur réaction? Oui, ils sont évidemment très dérangés quand même hein, par ce qui se passe. Hein, ça les trouble énormément. Ils n'ont pas envie que ça renvoie cette image de leur pays. Ça, c'est quand même le sentiment dominant. Je dirais pas qu'il y a une forme de compréhension, c'est excessif d'employer le mot compréhension. En revanche, c'est effectivement cette résurgence est indissociable et ça a été bien rappelé de la désillusion qui suit la chute du mur. C'est-à-dire que vous vous retrouvez dans cette ex-Allemagne de l'Est qui sous l'époque de la RDA, j'allais dire, ne se portait pas du tout bien en termes de liberté publique, c'est évident. La population était ultra surveillée, la Stasi, etc., etc. Mais qui, en revanche, avait un niveau de vie qui était, dans les ex-pays de l'Est, probablement le meilleur. Et avec une certaine sécurité sociale. Et avec, oui, une sécurité, large, hein. Bah oui, c'est-à-dire que le travail, de toute façon, vous était garanti, que vous économisiez un peu, puis vous achetiez une petite Trabant, voire une Wartburg, les voitures restent allemandes, que bah, votre santé, elle était prise en charge, grosso modo. Donc, ma foi, tout d'un coup, le capitalisme débarque, blum, et là, ils se le prennent dans la figure, quoi. Et alors, particulièrement, évidemment, tous les événements de Rostock, c'est malgré tout cette flambée de haine ne peut pas être comprise si on la dissocie de l'impact économique de pour faire court de l'arrivée du capitalisme. C'est-à-dire que Rostock, c'est une ville qui vit des chantiers navals pour l'essentiel. Et je dis ça à peu près de mémoire, mais en l'espace de 2-3 ans après la chute du mur, je crois que les chantiers navals, qui sont en grande partie privatisés, passent de 50 ou 60 000 ouvriers à quelque chose comme 15 ou 20 000. Donc on voit, alors là, je veux dire, les chiffres dans toute leur brutalité, on imagine bien l'impact social que ça a sur tout le tissu social. Donc forcément, ça favorise les plus extrêmes. Voilà. Oui, ces extrêmes sont une toute petite minorité, mais forcément, c'est nourri par le climat social général de cette sorte de désillusion après la réunification allemande. Vous avez raison de donner cette précision, ne pas confondre l'extrême droite allemande, notamment aujourd'hui avec le parti AfD, 92 députés au Bundestag, et les néo-nazis. Ce n'est pas le même discours, ce ne sont pas les mêmes méthodes. On est bien d'accord là-dessus. Oui, c'est pas complètement dissociable, mais évidemment, c'est pas du tout la même chose. D'abord, ne serait-ce que par la masse, c'est-à-dire que les néo-nazis aujourd'hui, encore une fois, vous l'avez bien dit, ce sont des groupuscules. Et ils ne sont pas unis en plus. Hein. Non, il y en a plusieurs. Après, il y en a de plus importants que d'autres. Mais ce sont des groupuscules qui souvent se livrent à une sorte de guerre des gangs. C'était d'ailleurs déjà le cas à l'époque à Dresde ou à Rostock. Mais au total, les services de renseignement allemands donnent des chiffres variables. Mais on va dire qu'aujourd'hui, il y a peut-être 15 à 20 000 militants néo-nazis violents en Allemagne. C'est pas rien. Ça veut dire 15 000 personnes qu'il faut surveiller, hein. Mais ça n'est pas comparable avec évidemment les 80 ou 82 millions d'habitants allemands de la population allemande et pas comparable non plus avec les 10% de la population des électeurs qui votent pour Alternative für Deutschland, donc le parti d'extrême droite. Et alors pour le coup, c'est ce qu'on appelle une minorité visible, mais très visible. C'est aussi le problème que ça pose. Peut-être un effet de loupe même. Oui, c'est évident, mais c'est pas spécifique à l'Allemagne, cela dit. C'est vrai qu'il y a toujours un effet de loupe, mais j'allais dire en même temps heureusement, parce que il faut faire extrêmement attention à ces groupuscules. Ils sont violents, ils sont dangereux. Par exemple, il y a l'un d'entre eux que l'on dit peut-être impliqué là dans les dernières agressions qui a eu en Allemagne, qui s'appelle le Combat 18. Vous savez pourquoi d'ailleurs ça s'appelle Combat 18 ? Parce que en fait, il faudrait dire Combat 1-8, parce que le 1 correspond au A, première lettre de l'alphabet, oui. Hein, et le A et le 8 correspond à H, huitième lettre de l'alphabet, Adolf Hitler. D'accord. Alors, puisqu'on parle d'Adolf Hitler et du régime nazi, de l'idéologie nazie, son marqueur le plus dramatique était l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a là un changement de cible, comme on le disait dans le récit, on le sait entendre, du juif vers l'immigré, turc notamment? Oui, c'est en partie vrai. Moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, quand je me suis rendu deux fois pour ces manifestations à Dresde, et puis quelques mois plus tard, j'étais retourné vers la frontière polonaise, vers les villes de Cottbus à Eisenhüttenstadt, c'est qu'on était quand même en présence de mouvements vraiment néo-nazi au sens antisémite. C'est-à-dire qu'il y avait là encore tout le discours, tout l'attirail idéologique de l'antisémitisme. C'est des gens qui se revendiquaient, et pour certains qui se revendiquent aujourd'hui encore clairement de Hitler. Donc on est vraiment dans d'abord ce moteur de l'antisémitisme. Bon. Après ce qui se passe probablement, hein, j'ai mis une hypothèse, mais il y a un lien. Dans la conversion, si vous voulez, dans la haine qui se reporte vers l'immigré, bien le climat social qu'on évoquait à l'instant passe par là. Oui. C'est-à-dire que comme il y a un souci économique, il y a un souci de société après la réunification allemande, particulièrement donc en ex-Allemagne de l'Est évidemment, la haine va se décaler vers les immigrés. Et d'ailleurs, y compris vers les immigrés qui étaient là avant la réunification, puisque vous aviez en ex-Allemagne de l'Est, sous la RDA, sous le régime communiste, de nombreux immigrés en fait qui venaient des pays entre guillemets, frères du communisme, des Cubains, des Vietnamiens, certains pays d'Afrique aussi, donc il y en avait, et à Rostock particulièrement, les émeutes nazies ont visé en particulier des Vietnamiens, parce que les Cubains avaient fui, en fait, après la réunification allemande, ils sont repartis à Cuba, ou dans d'autres pays, les Vietnamiens sont restés. Est-ce qu'il y a une poussée de fièvre, une poussée néo-nazie à partir de 1989? On a commencé le récit en mars 89. En 91, après... Voilà, 92, mais avant 89, alors je ne sais pas jusqu'où on peut remonter, mais quelle était la situation? Alors, à dire vrai, en ex-Allemagne de l'Est, elle est méconnue. C'est d'ailleurs l'un des soucis, c'est-à-dire que le régime communiste met le couvercle, si vous voulez, sur le nazisme, d'une certaine façon. C'est-à-dire que là, pour le coup, évidemment, il s'agit pas nullement de contester l'implication des troupes soviétiques, en particulier dans la lutte contre le nazisme. Tout le monde la connaît, et le prix que l'Union soviétique a payé. Derrière, le régime communiste lié à Moscou a littéralement mis le couvercle sur le nazisme, c'est-à-dire que interdiction évidemment totale, mais négation aussi, enfin, c'est-à-dire que le truc est enterré et il n'a pas lieu d'être, il n'a pas le droit d'exister, mais moyennant quoi, on ne se donne pas nécessairement les moyens culturels, sociaux, etc. de combattre ce qui en subsiste. Ouais. Vous voyez, ouais. Donc quand le couvercle se ressoulève, réunification, et ben finalement les choses sont restées là, elles ont été transmises sous le manteau, mais ce type d'idéologie a persisté parce qu'en fait il n'a pas été vraiment combattu, il a juste été clac refermé. C'est ça, on a eu une boisson. Les pouvoirs publics allemands. Alors on est en droit quand même de se poser quelques questions de la sphère politique allemande, des responsables politiques allemands face à ce phénomène. D'un point de vue légal et des lois, on a donné un petit peu raison quand même aux néo-nazis. Oui, c'est très intéressant ce qui est raconté dans le sujet. Alors, il y a un mélange. Je pense qu'il y a un mélange. Il y a, je le disais tout à l'heure, probablement un petit effet de surprise quand même au moment où ça commence. Il ne faut pas le nier. Il y a le fait que la réunification est prioritaire. C'est-à-dire que dans les années 90, c'est vraiment l'objectif de l'Allemagne über alles, par-dessus tout, c'est que la réunification s'opère et donc il faut réunifier le peuple allemand. Et ça, c'est plus important que tout. Tout ramène à ça finalement dans la politique allemande. Donc je crois que c'est absolument majeur pour comprendre le fait qu'à un moment donné, quelque part, j'allais dire c'est les immigrés qui ont payé la facture, c'est un peu un raccourci, mais oui, la priorité c'était bien de réunifier intellectuellement, socialement, culturellement le peuple allemand. Et puis, troisième facteur, donc la surprise, la priorité réunification, et puis peut-être un troisième facteur malgré tout, qui est, un chouïa de déni quand même, c'est-à-dire, cette persistance d'une idéologie néo-nazie, elle est très dérangeante. Bien et sûr. Donc, il y a une forme de déni par rapport à ça, probablement. Où en est-on aujourd'hui? L'Allemagne est un modèle économique, mais pas forcément social. Donc, où en est-on aujourd'hui avec ces mouvances-là? Alors, toujours beaucoup d'inégalités entre l'Ouest et l'Est, quand même, malgré tout. Oui, aussi, toujours. Toujours des résurgences, j'allais dire, un peu cycliques, en fait, des mouvements de violence néo-nazis. Il y en a eu au début des années 2000, où il y a eu des assassinats. C'est à nouveau le cas aujourd'hui, avec là un élu qui a été assassiné. Ce mois-ci. Exactement. Et il y a des menaces aujourd'hui, par exemple, sur la maire de Cologne, donc, qui reçoit des menaces de mort de la part des groupes néo-nazis. Donc on est dans une phase plutôt de résurgence de ces groupuscules néo-nazis et de leur violence. Si on élargit le spectre à l'extrême droite, qui n'est donc pas la même chose, on l'a appelé bien tout à l'heure, à nouveau, une grosse différence entre l'Ouest et l'Est. Aujourd'hui, l'Alternative für Deutschland, donc le grand parti d'extrême droite, il est très puissant d'abord dans les Länder, dans les régions de l'Est, où d'ailleurs on va voter localement à l'automne, dans le Brandebourg, en Saxe, en Thuringe. Là, ils sont à 20-25%. Enfin, ils pourraient atteindre ces niveaux-là, alors qu'à l'Ouest, ils sont quand même beaucoup plus bas. Voilà. Mais au Bundestag, l'AfD, c'est 92 députés quand même. C'est à peu près 10% du corps électoral allemand aujourd'hui. Bien, merci infiniment Jean-Marc Four. Vous nous parlez de quoi, 18h55 de votre chronique? De Vladimir Poutine, qui a causé pendant plus de 4 heures aujourd'hui à la télévision russe face aux téléspectateurs de ce grand pays. Bien, c'est parti pour la synthèse pour ce soir. Merci Jean-Marc, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la question des néo-nazis en Allemagne, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et merci à Clément Berman qui était à la technique aujourd'hui.